Les filles coréennes qui avaient participé aux compétitions internationales de la natation synchronisée de Sab Paris 2016 ont regagné la patrie le 28 courant par train. Han Kyung-yong et Min Hae-yeon se sont classées respectivement premières à la nage synchronisée à une personne dans les catégories cadet et junior. Han Kyung-yong et Kim Jin-joo, Min Hae-yeon et Chang Hyun-ho ont également obtenu respectivement les médailles d'or à la nage synchronisée à deux dans les catégories cadet et junior.